suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Leçon 24. Lektion 24. Aujourd'hui, et pendant les deux prochaines leçons, nous allons voir les différents temps en luxembourgeois. Vous vous rappelez que pour exprimer le futur, on utilise l'indicatif présent. Ich gehe in de restaurant. Je vais au restaurant. Moi de nouveau, qui ne gagne de restaurant. Demain soir, je vais aller au restaurant. Am Sommer gehen wir à Griechenland en vacances. En été, nous irons en Grèce pour nos vacances. Dans ces phrases, le futur proprement dit est exprimé par l'adverbe du temps. Mardenovent, demain soir, et amzuma, en été. Pour le conditionnel, on utilise geng, gave ou gif. Ich geng, ich gave, ich gif an Vakanz gehen, wann ich suen het. Je partirai en vacances si j'avais de l'argent. Dans ce cas, c'est geng ou gave qui est conjugué. Ich geng, du gengs, hier, sie hat geng, mir gengen, dir gengt, sie gengen. Ou ich gave, du gaves, hier, sie hat gave, mir gaven, dir gaved, sie gaven. Ou ich gif, du gifs, hier, sie hat gif, mir giffen, dir gift, sie giffen. Si vous voulez dire j'aimerais, vous ajoutez « guerre ». Ich gehe gerne en vacances gehen. J'aimerais aller en vacances. Notez aussi qu'on utilise le conditionnel après « si »« wenn ». Wenn ich an der Lotterie gewonnen gebe ich mir ein Haus kaufen. Si je gagne au loto, je m'achèterai une maison. Pour les auxiliaires, le luxembourgeois a des formes spéciales au conditionnel. Être, sind, devient. Ich wär, du wärst, hier, sie hat, wär, mir wären, dir wärt, sie wären. Ou bien, ich wir, du wirst, hier, sie hat, wir, mir wären, dir wird, sie wären. Avoir, hun, devient, ich hätt, du hast, hier, sie hat, hätt, mir hätten, dir hätt, sie hätten. Et bien sûr, vous pouvez utiliser guerre en combination avec hätt oder wär. Ich wär guerre frusivenauer dohim. J'aimerais être à la maison avant 7 heures. Le comparatif de guerre est leva. Ich hätte leva Tomaten aus Italien wie aus Spanien. Le superlatif est am liebsten. Ich hätte am liebsten Tomaten aus Italien. Dans les temps composés, nous avons Ich wäre leva aus Spanien en vacances gang via Griechenland. J'aurais préféré aller en vacances en Espagne qu'en Grèce. Ich hätte lieber einen großen Mantel gehabt, mais sie hatten nur einen Brungen. J'aurais préféré un manteau gris, mais ils avaient seulement un embrun. Wenn ich an der Lotterie gewonnen hätte, hätte ich mir ein Haus gekauft. Si j'aurais gagné au loto, je m'aurais acheté une maison. Wenn du aufgepasst hast, wärst du nicht gefallen. Si tu avais fait attention, tu ne serais pas tombé. Wenn dir eine Aufgabe gemacht hätte, hätte der Schulmeister dich nicht vernannt. Si vous aviez fait votre travail à domicile, l'enseignant ne vous aurait pas grondé. Wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich an der Restaurant gegangen. Si j'avais eu du temps, je serais allé au restaurant. Wenn ich daheim gewischt wäre, hätte ich Television geguckt. Si j'avais été à la maison, j'aurais regardé la télé. Ich hätte gerne Pommes gehabt, mais sie hatte keine. J'aurais voulu une livre de tomates, mais ils en avaient plus. Ich hätte lieber Tomaten aus Italien gehabt, mais sie hatten nimmer Tomaten aus Spanien. J'aurais préféré des tomates d'Italie, mais ils en avaient uniquement d'Espagne.